Aimer, c'est souffrir. Plus qu'on aime, plus qu'on souffre. On a recours aux prières pour essayer de calmer la douleur. Prier avec ferveur pour conquérir un amour impossible qui sonne fort en soi. Pensant qu'un jour, ton cœur s'ouvrira par ta prière. J'ai prié pendant des jours pour faire lumière sur mon amour. Tout est resté là, impuissant. Il ne me reste qu'à m'agenouiller à tes pieds pour conquérir ta pitié. Tu ne m'offres que ton amitié. Ce sentiment est trop faible pour m'exprimer notre amitié. Moisson de mon amour qui ne fait que grandir de jour en jour. Ne pas y penser, c'est ne pas t'aimer. Tu es la force de ma vie. Sans toi, rien n'a aucun sens. Un monde rempli de divergences. En pensant à toi, je continue d'exister. Et ceci pour mieux t'aimer.